Hallelujah. Seigneur, nous te remercions ce matin pour la grâce, pour la vie, pour la protection. Seigneur, merci pour l'Église. Seigneur, merci pour ta parole. Et ce matin, nous sommes là. Bénis-nous encore avec cette parole qui est puissante pour changer nos vies. Seigneur, que ta gloire, la gloire te revienne au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ce verset? De Timothée chapitre 3. Alléluia. De Timothée chapitre 3, verset 2. Alléluia. Depuis quelque temps, les jeudis, je suis en train de parler de la rétrogradation. Alléluia. Amen. On a parlé de différents aspects de la rétrogradation. Alléluia. Et nous réalisons que dimanche, beaucoup de personnes ne viennent pas à l'église. Alléluia. Beaucoup ne viennent plus pas à l'église les dimanches. Parce que beaucoup ne sont pas arrivés. Alléluia. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et ce matin, nous allons prendre 5 minutes pour prier pour toi-même, pour que tu ne rétrogrades pas. Pour que dimanche prochain, tu ne restes pas à la maison. Alléluia. Parce que les gens étaient là le dimanche passé, ils ne sont pas là ce matin. Les gens étaient là dimanche passé, ils ne sont pas là dimanche passé. Et ce matin, il y a certains qui ne sont pas là. Alléluia. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. On doit recevoir la parole. Dieu ne nous a pas créé, Dieu n'a pas créé l'église pour qu'on vienne une fois en passant. On vient une fois lorsque nous voulons. Alléluia. On vient une fois lorsque nous avons le désir. C'est pas ça. Le chrétien ne vit pas le désir. Tes décisions ne dépendent pas de ce que je me sens bien, donc je viens. Je me sens mal, ok, donc je reste à la maison. Alléluia. Non. Ta décision de te marier à quelqu'un ne doit pas se baser sur tes sentiments. Parce que les sentiments vont fuir parfois. Les sentiments ne sont pas là toujours. Donc c'est basé sur les principes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et parfois les gens sont étonnés. Il se marie et puis le sentiment n'est pas là. Il pense que non, c'est pas lui. Non, c'est pas ça. Alléluia. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Alléluia. Dit, car les hommes seront épris d'eux-mêmes. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Les gens seront épris d'eux-mêmes. Les gens vont s'aimer. Alléluia. Tu t'aimes. Tu t'aimes tellement que tu ne veux pas te déranger. Alléluia. T'aimes. Aimant l'argent. Vain. Orgueilleux. Médisant. Rebelle au père. Et rebelle à père et à mère. Ingrat. Impie. Sans affection naturelle. Implacable. Calomniateur. Intempérant. Cruel. Ennemi des gens de bien, prêtre, emporté, enflé d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu. Alléluia. Ça c'est la version Osterwald. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Louis II a une autre version. Disent la même chose. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Alléluia. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leur père, ingrats, irréligieux, alléluia, insensibles, déloyaux, calomniateurs, hein, intempérants, cruels, ennemis des gens bien, de bien, traîtres, emportés, enflés d'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Yeah. Aimant le plaisir plus que Dieu. Hein? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alléluia. Alléluia. Éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que vous comprenez? Yeah. On aime le plaisir plus que Dieu. Alléluia. C'est pas samedi soir. Tu regardes la télé jusqu'à 1h du matin. Dans le matin, dimanche, que tu dois être ici parce que à cause du plaisir là. C'est pourquoi tu vas sortir samedi, sortir jusqu'à... Parce que tu aimes le plaisir plus que Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas savoir que samedi matin là, samedi soir, tu ne dois pas rester plus très tard. Parce que ça m'empêche de venir à l'église le dimanche matin. Je ne sais pas si tu me comprends. Yeah, on s'aime, la première partie de verset 2. On s'aime plus que Dieu. Tu t'aimes tellement que tu n'aimes pas le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu fais tout et tout pour être là dimanche matin. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, et la Bible dit, éloigne-toi. Parfois, c'est pas toi, c'est tes amis. Alléluia. Tes amis, ils t'amènent boire de nuit. Et tu restes là jusqu'à 3h du matin. Lorsque quelqu'un t'appelle, non, je viens d'arriver, je suis fatigué, je ne peux pas venir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit de nous éloigner. De nous éloigner. Si c'est quelqu'un qui t'empêche que dimanche, tu ne sois pas là, éloigne-toi de la personne. Alléluia. Si c'est toi-même qui fais, arrête. Alléluia. Yeah, lorsque j'ai devenu chrétien, j'ai réalisé que dimanche matin, j'allais très tôt à l'église le dimanche. Ah, mais c'est là où j'ai appris à aller à l'église très tôt. C'est pas difficile. Si tu essaies ça 1, 2, 3 fois, tu vas réaliser que c'est pas tellement difficile de te lever très tôt pour venir à l'église. Si on a dit c'est West End, aller à Tema pour avoir le West End, tu es à Kassoua. Ta maison c'est à Kassoua, on te dit lève-toi à 3h pour aller à Tema pour le West End, tu vas aller. Parce que tu sais plus que tu aimes Dieu. Mais dimanche, lorsqu'on te dit, non, c'est très tôt. Mais si c'est l'argent, tu vas aller. Parce que tu sais plus que tu aimes Dieu. Tu aimes toi-même plus que tu aimes Dieu. Tu peux faire ça pour toi-même, mais tu peux pas faire ça pour Dieu. Tu te lèves très tôt pour faire des choses pour toi, mais tu ne peux pas te lever très tôt pour faire pour Dieu. Yeah. C'est ce type de chrétien que nous avons ces jours-là. On sait plus qu'on aime Dieu. On va faire pour nous, mais on va pas faire pour Dieu. On va acheter à manger ce matin, mais on va donner l'argent pour Dieu. Alléluia. On va lire quelque chose sur la relation, mais on va pas lire la Bible. Parce qu'on s'aime, on veut se marier, donc on va lire. On connaît toutes les trucs là, qu'on a écrit sur l'amour, les poèmes, tout ça là. Mais on ne connaît pas un verset, on peut même pas citer un verset. Parce qu'on s'aime plus qu'on aime Dieu. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit ce matin. Nous ne devons pas faire partie de ce groupe de chrétiens-là qui s'aiment plus que qu'on aime Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si tu veux faire ça pour toi, tu peux faire ça pour Dieu. Est-ce que tu veux dire que Dieu doit chercher à s'aimer plus que il nous aime? Sinon, il ne va pas envoyer Jésus-Christ. Il ne va pas envoyer ton fils. Toi, est-ce que tu peux envoyer ton fils pour mourir pour les autres personnes? Parfois, on oublie que le Seigneur nous aime plus que il s'aime lui-même. Parce qu'il a envoyé son fils pour mourir pour nous. Mais nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce matin, on va prier pour 5 minutes et dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas m'aimer plus que je t'aime. Je veux t'aimer plus que moi-même. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Dans Hébreux 10, verset 25. Est-ce qu'on peut lire ça avant de prier? Alléluia. Je vais prêcher, mais nous sommes en train de prier. Sinon, toi aussi, dimanche prochain, tu ne vas pas venir. Et dimanche prochain, je ne te vois pas. Cela veut dire que tu aimes plus que tu aimes Dieu. C'est ça, c'est la vérité. Les chrétiens n'aiment pas la vérité. Les chrétiens n'aiment pas la vérité. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous soyez, vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Il y a des gens qui abandonnent l'assemblée. Qui abandonnent, qui ne veulent pas venir. Ils restent à la maison. Ils s'aiment. N'abandonnons-nous pas. Alléluia. Ce matin, je t'exhorte, je t'encourage de ne pas abandonner. Comme le verset dit, exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Je t'encourage ce matin. N'abandonne pas comme les autres abandonnent. Ne reste pas à la maison comme les autres restent à la maison. Le dimanche prochain, je te vois ici. Parce que tu aimes le Seigneur. Alléluia. Que nous soyons des chrétiens qui aiment le Seigneur. Tu ne viens pas à l'église parce que tu veux de l'argent. Tu ne viens pas à l'église parce que tu veux une bénédiction. Tant que tu aimes le Seigneur, la bénédiction va venir. Je dis chaque fois, lorsque tu es dans une relation, tu ne vas pas se connaître pour une courte durée. Tu ne vas pas avoir les bénéfices de la relation. On est toujours trompé par une relation très courte. C'est pourquoi lorsque tu rencontres, je l'aime mon cœur. On dit, attends d'abord. Tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui et puis tu penses que oh, je vais me marier à la personne. Stéphane, va voir, je ne sais pas ce qu'il dit. What do you want? Come, what do you want? Alléluia. Est-ce qu'ils vont évoluer? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, avec le Seigneur, tu dois d'abord, moi, c'est par la grâce de Dieu, j'ai fait quelques, au moins plus de 10 ans. Et le Seigneur n'a jamais. Si tu restes 3 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, tu vas penser que le Seigneur est mort. Le Seigneur ment parce qu'il a pris beaucoup de choses dans la vie, mais ça ne se passe pas dans ta vie. Parce que tu as fait seulement 3 mois. Tu as fait seulement 10 mois. Tu as fait seulement 1 année, 2 années. Mais si tu restes longtemps, le Seigneur, ce qu'il dit, c'est vrai. Ne sois pas trompé par une courte durée. Tu t'arrives maintenant, tu vois que le Seigneur va faire quelque chose. Non, attends, le Seigneur veut voir vraiment si tu l'aimes. Alléluia. Fermez les yeux pour 5 minutes. Prie et demande le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas abandonner. À ne pas m'aimer plus que je t'aime. Je veux t'aimer plus que j'aime autre chose. Je veux t'aimer plus que j'aime mon téléphone. Je veux t'aimer plus que j'aime le cas là. J'aime la fille là. Seigneur, je veux t'aimer plus que toute autre chose. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi cette grâce de continuer, de ne pas rétrograder, de ne pas rester à la maison dimanche après dimanche. Que je sois ici dans ta maison pour écouter ta parole. Au nom de Jésus. Pour être planté dans la maison. Parce que ta parole dit planté. Nous fleurissons. Lorsque nous sommes plantés, lorsque nous sommes toujours là, lorsque nous continuons toujours, nous fleurissons. Les fruits commencent à apparaître. Lorsque nous restons au même endroit, nous sommes plantés, on ne bouge pas, nous sommes au même endroit, comme un arbre. Lorsque l'arbre de manguier reste sur une même place, elle fleurit. Seigneur, merci. Aide-moi à rester, même endroit, pour longtemps, pour recevoir cette bénédiction que tu as pour moi. Oh Seigneur, peut-être que la semaine prochaine, il y a une bénédiction que tu vas me donner. Et si je ne suis pas là, je ne vais pas recevoir. Oh, peut-être que le mois prochain, si je suis là, il y a cette bénédiction que tu as préparée pour moi. Oh, si je reste à la maison, comment je peux recevoir cette bénédiction? Oh Seigneur, je veux continuer toujours, Seigneur. Si je suis pas alité, Seigneur, je veux être là. Je veux être dans ta maison. Au nom de Jésus. Dimanche après dimanche. Donne-moi cette grâce. Les autres arrivent à le faire. Oh, c'est possible que j'arrive à le faire aussi. C'est pas trop tôt, Seigneur. 7 heures, c'est pas trop tôt. Je peux être là à 7 heures. Au nom de Jésus, Seigneur. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette force. Donne-moi cette sagesse. C'est une sagesse d'être là chaque dimanche après dimanche, Seigneur, pour recevoir ta parole qui va changer ma vie, qui va me bénir. Oh Seigneur, chaque dimanche, tu as une parole spéciale pour moi. Je veux pas rater cette parole. Je veux pas rater cette bénédiction. Je veux pas rater cette sagesse. Je veux être là pour les recevoir. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole qui nous exhorte, qui nous encourage. Je ne veux pas suivre les hommes. Oh, qui s'aime plus que qui t'aime. Je veux t'aimer plus que les autres. Je veux t'aimer plus que aimer les autres. Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Je ne veux pas suivre les autres. Oh, Seigneur, peut-être que je n'arrive pas à venir. Oh, Seigneur, je veux venir. C'est possible. Si je peux me lever très tôt pour aller voir un ami. Si je peux m'arrêter très tôt pour aller chercher quelque chose quelque part. Donc, c'est possible que je puisse me lever très tôt pour venir à l'église, c'est une fois dans la semaine. Une fois. J'ai les autres jours pour dormir jusqu'à 8h, 10h. Mais dimanche, je veux me laisser lever très tôt. Parce que c'est une fois dans la semaine. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette force et cette sagesse. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour chaque personne ici. Seigneur, touche leur cœur, change leur cœur. Seigneur, aide-les. Ceux qui ont des difficultés, Seigneur, donne-leur une certaine grâce pour se lever très tôt pour venir. Au nom de Jésus, Seigneur, ceux qui n'arrivent pas, samedi passe le temps tôt dans la nuit, ne dors pas tôt, Seigneur, je prie que tu leur donnes une sagesse pour qu'ils puissent planifier leur samedi, pour que dimanche, ils soient à l'église. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette grâce se repose sur chaque personne ici, au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Wow. Ce matin, je vais continuer avec les leçons. Alléluia. Les leçons. C'est ça, non? Les leçons sur la loyauté. Alléluia. On a parlé de beaucoup d'aspects de la loyauté. Qu'est-ce que la loyauté? Les étapes de la déloyauté. Et on a vu la culture de loyauté. Et quoi encore? Est-ce qu'on a vu les signes de la déloyauté? On n'a pas encore. Pas les signes. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Je ne parle pas des signes aujourd'hui. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas connaître. À moins que on voit les signes. Vous comprenez? Yeah. Beaucoup de choses, on ne va pas connaître. Pas même docteur, lorsqu'il a dit mot de tête, là. Peut-être que c'est pas mot de tête, c'est seulement un signe d'une autre maladie. Yeah. Ou bien? Yeah. Mot de tête, le mot de ventre, bien mot de bras, quelque chose. C'est autre chose, c'est pas mot de tête. Donc, le signe nous montre que, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais chercher à savoir. Alléluia. Yeah, c'est la même chose. Par exemple, lorsque tu prends fornication. Yeah. Comment est-ce que tu vas savoir que quelqu'un a forniqué? Tu peux regarder, ça va. Non. Yeah. Yeah. Tu ne veux pas savoir. Tu ne vas pas savoir. Alléluia. Mais tu sais les signes. Quels sont les signes? Lorsque tu vois un garçon et puis une fille tard dans la nuit, seule dans la chambre. Ça, c'est un signe. Ils sont pas mariés au conseil. Tout le monde sait qu'ils sont pas mariés. Ils sont dans la chambre. Ils dorment. Ils se lèvent le matin. Okay. Ah. On sait que, on ne sait pas, mais on voit un signe. Ou bien. Alléluia. Yeah, c'est la même chose que la déloyauté. On va pas savoir, on connaît pas ton cœur. Mais lorsqu'on voit certains signes, c'est que, il y a quelque chose qui, un point d'interrogation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, on va voir les signes de la déloyauté. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir les leçons. Les leçons. Alléluia. Les leçons sur la loyauté. Et la semaine passée, on a commencé par une leçon. Et quelle leçon? Alléluia. Comment? La persuasion. Tu veux être loyal à toi. Tu dois être persuadé. persuadé. Alléluia. Yeah. Et la persuasion, cette persuasion totale vient lorsque tu es ouverte à tes finances. Tu es ouverte à ta vision, ce que tu fais dans cette vie. Ou bien, yeah. Et la semaine passée, je voulais parler beaucoup des finances, la manière dont l'Église est ouverte jusqu'à un certain niveau sur les finances. Ou bien, on vous montre tout ce qu'on fait avec les finances, l'argent compris. Bon, ton un argent, deux, un Ghana, deux Ghana, trois Ghana. Vous savez ce qu'on fait avec l'argent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. La chaise sur laquelle, est-ce que c'est toi qui as acheté la chaise? C'est pas toi. Donc, quelqu'un a acheté, tu es assis. Donc, toi aussi, donc, quelqu'un, quelque part aussi, on achète pour quelqu'un d'autre pour asseoir, s'asseoir, ou bien? Yeah. Ou bien? Yeah. Yeah. Donc, il y a beaucoup de choses, l'électricité, on paye ici, c'est pas, comment on dit, gratuit. C'est pas gratuit, l'électricité, là. C'est pas gratuit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a besoin d'argent pour que l'église continue. Pour qu'on ait un bâtiment, qu'on ait une grande église. Alléluia. Et la semaine prochaine, elle dit, oh, on est en train de chasser un endroit. Yeah, lorsqu'on trouve l'endroit, on va payer avec l'argent que tu donnes depuis là, le loyer. Ou bien, si on achète ça, c'est beaucoup d'argent. Ou bien, yeah, on va utiliser l'argent pour payer. On va pas aller, la façon, on ne peut pas être prêt à la banque, non. Tout ce qu'on a, il n'y a pas de prêt. C'est l'argent que vous donnez. Alléluia. Il y a d'autres prennent des prêts, tout ça, la sagesse que Dieu nous a donnée, c'est pas prendre un prêt. On ne prend pas des prêts. Alléluia. Et cette sagesse, mais on vous enseigne, ne prenez pas des prêts. Tu es jeune, ne commence pas à emprunter de l'argent. Alléluia. Si tu commences, ta fondation financière est déjà même foutue. Yeah. Tu vas grandir toujours parce que tu as pris, tu n'arrives pas à payer. Et donc, il te poursuit. Donc, tu dois prendre un autre père pour payer, là. Et puis, lui aussi continue à te poursuivre. Et tu vas prendre un autre père pour payer. Et puis, l'autre aussi dessus. Et puis, là, tu vas voir que tu es en train de grandir, là. Tu vois. Donc, si tu n'as pas d'argent, Hein? Si tu n'as pas d'argent, tu n'achètes pas les chaussures, là. Tu continues avec l'ancien. Hein? Et personne ne... Moi, je ne regarde pas les chaussures. Donc, n'achète quelque chose pour venir pour être pressé. Personne ne regarde. N'achète quelque chose pour venir pour nous montrer, dire que, ah, mais donc, personne ne va voir. Yeah? À l'école, c'est la même chose. Les gens viennent plus, sont en train de faire les choses. Yeah? Moi, je suis quelqu'un que, tu ne m'influences pas beaucoup. Les choses que tu dis, ou bien tu dis, les choses que tu fais, amis, pour, c'est comme tu jettes de l'eau sur l'arbre. Donc, tu vas pas m'influencer ou bien m'impressionner, c'est ça. Si vraiment tu veux m'impressionner, ça ne me dit rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne sois pas à l'église, à l'école, les gens, les filles, tu font des choses, la main, des trucs, 4 téléphones, 10 téléphones, des iPads. Et puis, même toi, t'as un téléphone là. La lumière même pas ne s'allume pas. La lumière ne passe pas. Hein? Tu dois trouver une autre lumière pour voir les touches. Oh! Ne sois pas gêné. C'est rien. Ils ont emprunté pour acheter les téléphones là. Ou bien ils ont donné leur corps pour avoir les téléphones. Donc qui veut impressionner ici? Personne. Moi, tu peux pas m'impressionner avec ça. Hein? On te connaît. Jeune étudiant. Tu ne travailles pas. Et puis tu as 3-4 téléphones. Ça même est un point d'interrogation. Ou bien, ça c'est un point d'interrogation. Donc n'utilise pas ça pour venir dire aux filles que je t'aime. Non. Alléluia. Yeah? Donc c'est cette sagesse que nous avons ici qu'on n'emprunte pas. On n'emprunte pas. Et à cause de cela, Dieu nous a rendus très riches. Yeah, tu vas penser que oh non, c'est quelque chose. Non, on n'emprunte pas les billets de Syrie à l'église là. Un jour, les gens de la taxe, on l'appelle taxe, non? Yeah, taxe, sont venus à l'église pensant que nous avons une machine qui produit l'argent, qui imprime les billets de Syrie. Non, c'est vrai, c'est pas. Ils sont venus, collègues, non? Et on avait un basement. Basement, on avait quoi? Sous-sol. Yeah, les gens ont dit que, on a dit que non, il y a la lighthouse là, ils sont en train de, il y a les quoi là, les machines sont en bas là-bas, et en prennent de l'argent, tout ça là, ils impriment de l'argent, donc ils sont venus comme ça, allez voir. Lorsqu'ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Pupitre, une table, et puis des chaises. Et ils sont étonnés. C'est une salle de réunion. C'est là où j'ai eu les classes de mariage, les cours de mariage. Yeah, c'est une salle de réunion. Les gens pensaient qu'on emprunte de l'argent. Non. C'est une sagesse que Dieu a donnée à notre évêque. Pas d'âme. Lorsque tu n'en as pas, ils disent, lorsque tu, je n'ai pas. Donc, j'ai pas besoin. Yeah. Je continue avec ce que j'ai. J'ai trouvé un moyen pour continuer avec ce que j'ai. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Alléluia. Donc, ouvert. Lorsque tu es ouvert. Ouvert. Concernant tes finances. Je peux te faire confiance. Ce que tu fais avec l'argent. Tu n'as pas épargné un jour et puis tu as un grand téléphone et puis, amen. Hein? Nous sommes tous ici, oh. Je connais ton salaire. Je connais ce que tu reçois. Je connais ton reste. Et là, tu as trouvé ta ouvre. Donc, déjà, il y a un point d'interrogation. Lorsqu'on ne sait pas la source de tes finances, là. Ça aussi, c'est un problème. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Deuxième leçon. Aujourd'hui, on va voir la deuxième leçon. Et puis, on va partir. Alors, peut-être, on peut ajouter une autre. Ta loyauté, hein, est à l'autorité supérieure. Alléluia. Yeah. Ta loyauté, c'est à l'autorité supérieure. Amen. Yeah. Dans une organisation ou bien association, société ou bien l'église, ta loyauté doit être à l'autorité supérieure. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi, je suis un pasteur d'une branche de Lighthouse. Alléluia. Et nous sommes tous là. On dit, OK, bon, on va rester ici, servir le Seigneur. Donc, un jour, je viens ici, je dis, OK, je commence à faire autre chose qui est différente de ce que Lighthouse fait. Une autre vision. S'il vous plaît. Il faut tous Il faut pas me suivre. Il faut suivre l'évêque. Bien, vous suivez le pasteur qui m'a envoyé ici. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Je peux pas faire autre chose qui est différente de ce que on m'a demandé de faire ici. Donc, ta loyauté doit être à l'autorité supérieure qui m'a envoyé ici. Donc, ta loyauté à cette personne. Vous comprenez ce que je dis? L'autorité supérieure. Et si l'autorité supérieure là-bas aussi ne suit pas ce que, par exemple, OK, je vais vous montrer les niveaux de, on a l'évêque, les autres évêques, alléluia, et puis on a les pasteurs. C'est la structure. L'évêque qui est en haut, et puis les autres évêques qui le suivent, et puis on a les autres pasteurs qui sont en dessous, et puis maintenant on vient, après les pasteurs, on a les bergers, et puis les membres. Alléluia. Donc, ça, la structure. Donc, comme membre, ton autorité, c'est à l'autorité supérieure. Donc, au berger. Donc, du berger au pasteur. Du pasteur à l'évêque. À l'évêque, comment on dit? Et puis, de l'évêque à Jésus. À Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si un jour, l'évêque se lève et puis, il commence à parler d'autres choses, il ne croit pas en Jésus, on va pas le suivre. Va pas le suivre. Alléluia. Donc, un jour, dans ta bercelle, et puis tu viens un jour, on a dit d'enseigner sur quoi? Sur quoi il t'a enseigné? Quoi il t'a? Yeah. Et puis le berger, le jour, commence à enseigner autre chose. Des visions, des trucs comme ça. Tu dis, mon frère, c'est pas ce que le pasteur a dit. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. À l'autorité supérieure. Donc, le berger, tu ne dois pas suivre le berger qui a commencé à dévier. Tu vas pas suivre le berger. Yeah. Et parfois, on nous enseigne que tu allais. Tu as dit au berger, s'il te plaît. Si tu ne suis pas, on va te laisser. On va pas te suivre. Est-ce que vous comprenez? Parce que ta loyauté, tu as l'autorité supérieure. C'est pourquoi je dis ici, à Bessi, si je commence à dévier de ce que vous connaissez de Lighthouse, s'il vous plaît, vous pouvez aller même comment on dit, me reporter. Aller me reporter à quel, à, yes, Simon. Le gars là que tu as appelé, là, il a commencé à faire les trucs là-bas, là. C'est pas correct. Est-ce que vous comprenez? À l'autorité supérieure. Et si, d'ainsi de suite, jusqu'au, à l'évêque. Lorsque l'évêque commence à dévier, commencer à partir autre chose, à part Jésus-Christ, on va pas le suivre. Vous comprenez? Hein? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 1 verset 1. OK. Ouvrez la Bible, ouvrez la Bible. Corinthiens chapitre 11 verset 1. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Jésus. Ah, soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même, Jésus. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Donc, Paul est en train de dire, aussi longtemps que je suis Jésus-Christ, soyez mes imitateurs. Suivez-moi aussi. Donc, si le jour où je décide de ne pas suivre le Jésus-Christ, ne me suivez plus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parfois, les gens disent, fais ce que je fais. Non. Aussi longtemps que tu fais la bonne chose, je vais te suivre. Mais le jour où tu commences à faire des mauvais, je ne vais plus te suivre. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Yeah. Donc, c'est ça. L'Église, il y a l'autorité supérieure, c'est Dieu. Le jour où on ne suit plus Dieu, personne ne doit nous suivre. Yeah. Alléluia. Je n'ai pas peur de dire que je ne suis pas Jésus, ne me suivez plus. Je n'ai pas peur de dire ça. Parce que c'est là la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Donc, dans votre Bethel, tout ça là, chorale, lorsque le berger commence à faire autre chose. Tu allais? On dit que berger, s'il te plaît. C'est pas ce qu'on t'a envoyé de venir faire ici. Alléluia. Donc, ta loyauté, c'est toujours, parce qu'on voit parfois les gens, les bergers. Les membres des bergers sont loyaux aux bergers de telle manière que le jour où le berger quitte pour entrer au pays, ils ne viennent plus à l'église. Hein? Le jour où le berger voyage. Le jour où le berger dit que bon, je viens plus à l'église. La fois passée, il y avait un gars qui me disait, oh, c'est le gars là qui m'a amené à l'église. Aujourd'hui, il ne vient plus à l'église. Mais je suis là. Tu vois. Sa loyauté, c'est à l'autorité supérieure. C'est à Jésus, c'est pas à cette personne. Et beaucoup d'entre vous, même chose, c'est quelqu'un qui t'a invité ici. Et tu as reçu Jésus-Christ. Et la personne ne vient plus. Il ne croit même plus en Jésus-Christ. Yeah. Parce que ta loyauté, c'est pas à lui. C'est à l'autorité supérieure. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Il y a certains bergers, par exemple, si on dit, OK, on fait un changement. Oh, toi, tu es à Belingue, on t'envoie à Ladjo. Et puis, une autre personne vient. Et puis, les membres ne veulent pas suivre le berger parce que ils disent que non, la loyauté c'est à ce berger qu'on envoie à l'autre berger. Donc ils ne viennent plus à la Bethel. On a vu ça ou bien? Yeah, on voit ça. Ta loyauté c'est pas à une personne. Lorsqu'il y a un changement, faut chercher à voir qui est au-dessus, qui est envoyé, qui a fait ça. Yeah, c'est pas à une personne. Parce que le jour la personne qui tu vas suivre la personne. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ta loyauté, ça, c'est une leçon, faut savoir. Ici, tout le monde connaît. Peut-être que la loyauté, c'est à l'autorité supérieure. Et jusqu'à l'autorité supérieure suprême, ou bien suprême. C'est ça, non? C'est Jésus. C'est Dieu. Le jour où l'église commence à faire autre chose, à enseigner autre chose, à part les choses qui concernent Jésus, on ne suit plus. Alléluia. Est-ce que ça, vous comprenez? Yeah, parce qu'on veut pas, il y a un pasteur qui a amené tous ses membres à boire le poison. Hein? Et ils sont tous morts. Hein? Donc le jour là, le pasteur commence à dire, il faut boire ce boisson-là pour qu'on puisse aller au ciel très vite. On dit, mon frère, est-ce que c'est dans la Bible? Yeah! Parce que les gens, ta loi, c'est comme à une personne. Oui, c'est une personne, mais lorsque la personne commence à dévier, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi en Jésus-Christ, à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, il faut faire attention. Ta loyauté, c'est à l'autorité supérieure. Alléluia. C'est bon? Troisième leçon. On va ajouter ça, puis on va partir. Hein? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? C'est qu'on n'aime pas. Les danseurs, vous allez danser? Vous allez danser? Ah, ok. Alléluia. Je veux beaucoup de danseurs. Groupe de danse. Hein? Beaucoup de danseurs. Ceux qui aiment danser. Et ceux qui aiment chanter. Ceux qui veulent chanter. Mais tu veux chanter, mais tu ne sais pas chanter. Tu n'as jamais chanté. Viens. Est-ce que vous voyez? Yeah, c'est ta loyauté. Avec ta loyauté, tu peux apprendre tout. Vous comprenez? Avec ta loyauté, tu peux apprendre tout. Si tu es loyal. Oh, si on te met, je ne sais pas. Oh, tu es loyal. Ok, tu veux faire. Ok, viens. Fais ça. Fais ça. Et tu es loyal. Tu vas apprendre tout de suite. Yeah. Donc, si tu ne sais pas chanter, viens. Si tu es seulement loyal, tu vas apprendre. Tu as le désir, tu es loyal, tu vas apprendre. Alléluia. Donc, troisième leçon, la loyauté ne garde pas les informations. Ne garde pas les informations. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, ta loyauté ne garde pas les informations. Vous devez être ouvert à l'autorité concernant les informations. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et quelle sorte d'information? Les mauvaises choses qui se passent. Les mauvaises choses qui se passent. Dans l'église, vous ne gardez pas. Ne gardez pas. Est-ce que vous comprenez? Comprenez. La corruption. Hein? Les choses que les gens sont en train de faire. Il faut venir dire pour sauver les gens. Pour sauver d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, les informations, la loyauté dit que ne garde pas les informations. Quelqu'un qui est loyal ne garde pas les informations. C'est comme lorsque tu gardes, c'est comme tu fais partie de ce qui se passe. Vous comprenez? Yeah. Yeah. On va voir des exemples dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 5. Corinthiens chapitre 5 verset 1. Alléluia. Est-ce que vous êtes béni ce matin? C'est comme vous êtes court, vous avez faim. Yeah. Le chapitre 5 de 1 Corinthiens, c'est quelqu'un qui est loyal, qui ne garde pas les informations. Qui a fait que Paul a écrit le 1 Corinthiens chapitre 5. Tout le chapitre. Alléluia. Verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Yeah. Est-ce que vous avez vu? Quelqu'un qui est loyal est venu dire à Paul, il y a des choses qui se passent dans l'église. Les gens sont en train de prendre la femme de leur père. Impudicité. C'est à cause de ça que Paul a écrit tout le chapitre 5. Alléluia. Et aujourd'hui, nous lisons et puis nous sommes bénis. Est-ce que vous voyez? Yeah. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt de l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté de milieu de nous, de vous. Venez dire pour qu'on puisse ôter la personne. Pour moi, absent dans le corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus et à mon esprit étant et vous et mon esprit étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'un homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Hey! les gens qui prennent la femme de leur père. Yeah. Yeah. Donc, si vous avez ces informations et vous gardez, vous êtes déloyal, déloyal. C'est la déloyauté. Ça veut dire que vous, comment dire, vous approuvez ce acte. Yeah. Vous faites partie. Vous voulez aussi faire la même chose. Yeah. Tu veux faire la même chose. Tu es d'accord. Tu gardes. Tu sais, il y a des gens qui sont en train de faire des bêtises et puis toi, tu gardes. Tu ne dis pas au pasteur. Il y a beaucoup comme ça ici. Ou bien, la pasteur vient vous regarder là. Le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Les gens font des choses, les gens disent des choses, des centaines. Et puis ça est en train de détruire les autres personnes. Quelqu'un qui veut servir le Seigneur. Et puis c'est que, les gens sont... Beaucoup sont quittés l'église à cause de ça. C'est que non, je ne peux pas rester parce que je connais quelqu'un à la maison là. Les choses que la personne fait à la maison, sont dans le même hostel, dans la même maison. La manière dont il dit les chrétiens viennent à l'église, mais à la maison, la chose qu'ils font là, non, moi je ne peux pas venir ici. Viens dire pourquoi les autres soient sauvés. Viens dire. Yeah. En anglais, on dit godly reporting. En français, on va dire comme godly reporting. Godly reporting, c'est quoi en français? Pardon? Godly reporting. C'est comme tu es un fond, godly. Un saint reportage, c'est ça. Un saint reportage. C'est pas les gens qui vont aller parler des autres gens. Ils disent, non, qu'on consent, ou bien c'est ça, non? Yeah, c'est pas ça. C'est pas ça. Lorsque tu réalises, il y a ça là qui va détruire l'église. Ça va détruire les autres personnes. Il y a de nouveaux chrétiens qui ne connaissent pas bien la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas supporter certaines choses. Et vous êtes en train de faire les choses. Ces personnes vont partir. Un chrétien mature connaît la parole de Dieu un peu, donc il sait que, ok, c'est possible et tout ça. Mais des nouveaux chrétiens vont partir, ne comprennent pas. Comment est-ce que ça va se passer ici? Ils ne savent pas que nous sommes tous humains. Est-ce que vous comprenez? On dit homme de Dieu, homme de Dieu. Homme avant Dieu. La personne est homme, est être humain. Est-ce que vous comprenez? Mais un nouveau chrétien ne va pas comprendre. Et beaucoup d'entre vous ne connaissez pas bien la parole de Dieu. Et vous n'êtes pas fermé. Donc, ces choses vont vous perfecter, vous allez partir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle tu veux venir dire reportage, un saint reportage. Ou bien, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Yeah. La loyauté ne garde pas les informations. Personne loyal ne garde pas lorsqu'il voit que cette information va détruire quelqu'un d'autre. Viens dire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Ne garde pas. Ne garde pas. Ne garde pas. Alléluia. Il y a un autre exemple. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11. 1 Corinthiens. Chapitre 1, le premier chapitre. Alléluia, vous êtes là? Chapitre 11. 1, 11. OK? 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet. Que les gens de Cléo, par les gens de Cléo, ça c'est la maison de la famille de Cléo, qui a des disputes au milieu de vous. Hein? Je vous dis que chacun de vous parle. Ainsi, moi, je suis de Paul, et l'autre du Apollos, et moi, de Cephas, et de Christ. Alléluia. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié par vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. Yeah. La maison de Cléo, la famille de Cléo, a elle dit à Paul, hein, qu'il y a des disputes parmi vous, les gens qui créent les divisions là. Disputez là, ça, ok, les gens qui murmurent. L'église, pas bon. Lighthouse, et vous êtes là. Vous êtes dans ce groupe-là qui crée des disputes et des querelles. Alléluia. Des murmures, des critiques. Et vous ne venez pas dire. Vous faites partie. Yeah. faites partie de les, vous êtes d'accord avec les choses, ce que les gens sont en train de dire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, nous devons être comme la famille de Cléo. C'est Cléo ou Chloé? Chloé. La famille de Chloé. Chloé. Chloé. C'est une bonne famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah, c'est une bonne famille. Yeah. Il y a un jour dans une église, il y a un pasteur, jeune pasteur qui a trouvé une fille qui veut se marier, à qui il veut se marier. Est-ce que vous comprenez? Et sans le savoir, avec une fille très zélée, très engagée à l'église. Yeah. Et sans le savoir, la fille avec un petit ami, païen. Yeah. Et puis le pasteur, lui, il est content, la fille vient, ok, on adore le Seigneur ensemble, et on est toujours ensemble. Alors que la fille là, un petit ami. Païen même, c'est pas chrétien. Yeah. Yeah. Faites attention. Les filles là, est-ce qu'ils ont des petits amis quelque part? La fille là que tu as dit, tu aimes là, que tu as localisé, si tu veux aller proposer là. Est-ce qu'elle a un petit ami quelque part? Ou bien c'est de l'autre côté, est-ce que l'homme, le gars là qui vient de dire que je t'aime là, est-ce qu'il a une petite amie quelque part? Yeah. Et puis, il y avait une fille dans l'église qui connaît la fille. Et qui sait? Chloé. Qui sait? Il dit, ah! Si je laisse ce gars se marier à la fille-là, ça, c'est une abomination. Donc, elle a... Comment on dit? Yeah. Elle a pris de courage et puis aller informer les pasteurs. Et ça a sauvé la vie d'un pasteur, un homme de Dieu. Un jeune homme de Dieu. Yeah. Est-ce que vous pouvez imaginer quelle catastrophe, abomination ça peut avoir? Yeah. Sinon, le ministère du pasteur là peut être détruit. Toi, tu sais, et puis tu as gardé ça. Et on dit, non, ok, moi, je ne vais pas dire, ok, je vois, je ne vais pas dire. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Vous voyez un peu, non? Yeah. Donc, les gens qui sont en train de faire des bêtises, vous savez. Vous savez que c'est pas bon. Ça va détruire les autres chrétiens. Ça va influencer les autres chrétiens. Et vous gardez ça. Vous gardez ça. Vous voyez ça chaque jour. Chaque jour, ça c'est en face de toi. Tu vois ça chaque jour. Mais tu gardes ça. Tu fermes les yeux. Tu n'as pas vu. Tu dis que pasteur, moi j'ai pas vu. Yeah. Combien de fois ça peut détruire la vie de quelqu'un? Ça peut détruire le futur de quelqu'un. Ça peut détruire le ministère de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, la loyauté, les personnes loyaux ne gardent pas les informations. Donc, si tu es loyal, tu ne gardes pas. Si tu vois, réalises que, ah, ça là, non, ça c'est pas bon. Ça peut créer des dégâts à l'église. Viens dire. Pour que les autres soient sauvés. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un autre exemple dans la Bible. Dans Esther, chapitre 2. Le gars qu'on appelle Mordecai, en français, c'est quoi? Mardoché. On voulait tuer Mardoché. Un jour. Alors, on va pas lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être on va lire la semaine passée, prochaine. Alléluia. Yeah. Mardoché, il avait reporté, avait donné des informations, et puis le roi était sauvé. Il y avait deux personnes qui voulaient tuer le roi. Et Mardoché a appris ça, il allait informer, on a sauvé le roi. Un jour, on voulait tuer Mardoché. Le roi voulait tuer Mardoché. Yeah. Yeah. Et puis, au jour, on voulait tuer Mardoché. Le roi a appris que le gars là a reporté. Reportage, c'est à reporter deux personnes qui voulaient comploter. Complot. Yeah. Comploter comme le roi ait tué le roi. Et c'est Mardoché qui a reporté ça. Et à cause de cela, le roi n'a pas tué Mardoché. Et donc, si Mardoché n'avait pas reporté, on allait tuer le roi. Et aujourd'hui lui-même, le jour là lui-même, on allait le tuer. Tu vois combien de fois toi aussi ta vie peut être sauvée? Yeah. Vous comprenez, hein? Yeah, Esther 2, vous pouvez aller lire, Esther 2, le chapitre. Est-ce que vous comprenez? Esther 2 chapitre, de tout le chapitre, pour avoir l'histoire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, reportage saint, reportage saint, reportage saint, reportage, venez, venez, venez. Que la personne soit fâchée contre toi. S'il apprend que toi, viens. C'est pourquoi, la chaque fois, on dit, moi, tu viens, tu me dis quelque chose là, je vais dire, ok, je vais mentionner ton nom. Si tu es sûr que ce que tu me dis, c'est vrai là, je vais mentionner ton nom. Hein? Pour que les gens ne viennent pas te dire des bêtises. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, ta vie peut être sauvée lorsque tu reportes, fais des reportages sains pour sauver la vie des autres personnes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, la loyauté demande la conscience totale. La loyauté est à l'autorité supérieure et la loyauté ne garde pas les informations. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Levez-vous. Alléluia, ferme les yeux, dis merci à Dieu. Merci Dieu ce matin pour sa parole. Sa parole. Sa parole. Dieu est en train de nous délivrer. Con Mardoché. Dieu est en train de te sauver. Parce que tu es venu reporter les choses, la corruption, les bêtises, les péchés que les autres sont en train de faire. Ils sont des chrétiens dans l'église. Ils sont en train de faire des choses. Bien reporté. Tu as vu, ta vie sera sauvée un jour et tu seras béni. Seigneur, merci. La vie de quelqu'un sera aussi bénie par ton reportage. Seigneur, merci ce matin. Aide-nous à être loyaux, à des gens loyaux, à nous-mêmes, à Dieu et aux autres personnes. Seigneur, merci ce matin au nom de Jésus. Et tout le monde dise amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Avant de s'asseoir, je vais prier pour toi avant de s'asseoir. Alléluia. Fermez les yeux. Si tu es là, et tu sais que tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas sûr que si Jésus vient aujourd'hui, tu es prêt pour aller au ciel avec lui. Il veut prendre les autres, ceux qui sont sauvés, mais tu réalises que tu n'es pas sauvé. Et si tu es là, tu n'es pas sûr, et tu sais, ou bien tu sais que tu es sûr que tu n'es pas sauvé. Ce matin, je vais te donner l'opportunité de donner ta vie. La Bible dit que lorsque tu crois dans le nom, au nom de Jésus, tu crois Jésus-Christ qui est mort pour toi, a donné sa vie pour te sauver, et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Et si tu ne confesses pas, tu ne crois pas, la Bible dit que tu es déjà condamné pour l'enfer. Et ce matin, tu ne veux pas être condamné, tu veux donner ta vie. Et si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Nous allons prier. Nous allons prier pour toi. Lève la main. Frère, je veux voir ta main. Je vois ta main. Lève la main. Tu n'es pas sûr aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Jésus peut venir. La fin peut venir. La fin. La fin. La fin. Tu as l'opportunité ce matin pour donner ta vie. Le salut, c'est personnel. C'est personnel. Au jour du jugement, tu seras seul. Tu ne seras pas avec ton ami. Tu ne seras pas avec ta mère ou bien ton père. Tu ne seras pas avec ta femme. Non. C'est pas ta femme. Bien ton mari, tu ne seras pas avec ton mari. C'est personnel. Ce matin, dans ta vie, ne sois pas influencé par les autres. Toi, tu as besoin du salut. Tu as besoin dans ta vie. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Tu peux lever la main. Lève la main dans ta vie. Le Seigneur veut te sauver ce matin. Seigneur, merci. Merci, merci ma soeur. Est-ce que tu peux venir? On va prier. Et on va prier cette prière. Viens. Si tu as aussi levé la main, tu peux venir, hein? Si tu veux venir, viens. Viens. N'en fais pas ça, moi. Alléluia. C'est une bonne chose. Non, ça va, ça va. C'est une bonne chose ce matin que tu prends cette décision. Alléluia. Et nous voulons faire une prière ensemble. Ok? Je veux que tu sois ta prière ce matin. Le Seigneur va te sauver. Alléluia. Tu ne vas rien sentir parce que c'est quelque chose qui se passe spirituellement. Alléluia. Amen. Et ce matin, tu seras sauvé. Tu es sûr que si Jésus arrive ce matin, tu seras parmi les gens qui vont aller au ciel. C'est aussi simple. Et c'est simple parfois, c'est difficile de croire. Mais c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Et ferme les yeux. Et ma soeur répète après moi, dit, Seigneur, je te remercie. Je crois que tu as envoyé Jésus pour me sauver. Ce matin, je prends cette décision de le confesser, de le suivre à partir d'aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi avec le sang de Jésus. Je vais te suivre. Je vais te servir. Je vais laisser le monde. Je veux laisser le monde. Je veux laisser le monde et te suivre. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, merci. Amen.